Bonjour et bienvenue dans la rediffusion audio de l'émission Autonomie, l'actu de la recherche, réalisée et produite par l'équipe d'animation du programme prioritaire de recherche Autonomie. Le podcast que vous vous apprêtez à écouter est l'enregistrement d'un direct qui a eu lieu sur YouTube. Vous trouverez dans la description de cet épisode toutes les informations sur ce format, ainsi que des ressources complémentaires. N'hésitez pas à visiter notre site internet pour en apprendre plus sur nos activités et découvrir encore davantage la recherche sur l'autonomie. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans l'émission Autonomie, l'actu de la recherche, produite et réalisée par l'équipe d'animation scientifique du programme prioritaire de recherche Autonomie, piloté par le CNRS. Je suis Marie Assaf, responsable de l'animation scientifique, et je serai votre hôte ce soir, accompagnée de notre régisseur Marcel Duchemin, qui s'assurera que tout se passe bien du côté de la technique. Côté interprétariat LSF langue française, nous serons avec les équipes de SILS, et comme pour la dernière émission, le sous-titrage sera retravaillé en post-production pour permettre une meilleure accessibilité de notre contenu. J'ajoute que les magnifiques habillages que vous voyez dans ces émissions ont été créés par Jojo de Bleu Renard Studio. Et quant à vous, spectatrices et spectateurs, vous êtes avec nous par le chat et en commentaire, donc n'hésitez pas à poser vos questions et à discuter. La première partie de cette émission sera consacrée à la présentation du livre « L'accompagnement et le soutien par les pairs » de la sociologue Eve Gardien, publié en 2017 aux presses universitaires de Grenoble. Et la seconde partie de l'émission prendra davantage la forme d'une table ronde et nous accueillerons ce soir Laetitia Rebord, qui est pair aidante et formatrice spécialisée dans l'accompagnement à la vie affective et sexuelle des personnes en situation de handicap, Yves Bancelin, médiateur de santé pair, directeur de l'association Esper Pro, une plateforme de pair aidance qui vise à mieux prendre soin de notre santé mentale, et également administrateur de l'association Working First, et Maxime Moyau, chef de projet sur la participation des personnes au secrétariat général du comité interministériel du handicap. Marcel, est-ce que tu peux faire entrer Eve, s'il te plaît? Bonsoir Eve, je suis ravie de te recevoir ce soir pour parler de ton ouvrage. Et avant de commencer, je propose de t'introduire et je te laisserai compléter s'il manque quelque chose. Donc, tu es maîtresse de conférence en sociologie à l'université Rennes 2 et tu t'intéresses plus précisément aux enjeux liés au handicap, au rapport à la normalité et à l'intime, mais également à des questions de prise en charge, d'institutionnalisation, de politique publique ou encore le sujet que nous évoquons aujourd'hui, la pair aidance. Tu as publié de nombreux articles et ouvrages sur ces sujets. Et tu as notamment dirigé récemment l'accompagnement par les pairs en jeu de participation et de professionnalisation en 2021, qui est un écho à l'ouvrage du jour. Et en outre, tu es également la responsable scientifique du programme Expert, qui porte sur les savoirs expérientiels. Je te laisse compléter, amender. Non, je t'en prie, continue. Voilà. Alors, dans l'accompagnement et le soutien par les pairs, tu reviens sur l'histoire du concept de pair aidance, sa définition et ses liens avec d'autres expériences de savoir fondées sur la collaboration et le partage, comme la pair émulation, le peer support ou le self-help. Dans le cadre de l'ouvrage, tu te penches sur la question de la pair aidance à destination des personnes handicapées, bien que la pratique puisse s'adresser à d'autres populations, et tu interroges en quoi elle leur permet de faire face aux épreuves qu'elles rencontrent dans une société validiste. Donc, fondée sur des échanges et de la co-construction, la pair aidance doit offrir des solutions du point de vue de la personne concernée. L'ouvrage met en lumière les principes de cette pratique, mais aussi les enjeux liés à sa professionnalisation, de plus en plus prônée par les professionnels du secteur et les institutions internationales. En somme, il s'agit d'un portrait très complet de comment doit s'organiser la pair aidance, avec qui et les défis qui y sont liés. Donc nous allons maintenant présenter ton travail un peu plus précisément, afin de saisir dans quel contexte tu l'as construit, les questions de méthode qui t'ont guidé, la lecture scientifique qui a pu l'accompagner, et les questions et les conclusions auxquelles tu es arrivé. Donc je vais te poser quelques questions et j'invite les spectateurs et spectatrices à en poser si elles le souhaitent. Donc pour commencer, j'aimerais revenir sur ce concept clé de tes recherches, celui de la paire aidance. Pourrais-tu nous expliquer comment cette notion a émergé au sein des sciences humaines et sociales et quelle définition on lui donne communément? Merci Marie-Azaf. La paire aidance, c'est d'abord et avant tout un intitulé. Donc un intitulé qui a émergé de pratiques d'accompagnement et de soutien par les pairs. C'est un intitulé donc du terrain et qui a émergé parmi d'autres intitulés comme la médiation santé pair, le travail pair, l'expertise du vécu, la pair émulation, et tu en as cité d'autres. Dans le contexte anglo-saxon, il y a une diversité également d'intitulés et qui correspondent à des pratiques globalement plutôt similaires. On a pair support que tu as cité, self-help, pair counselor, pair spécialiste, etc. Autrement dit, c'est ainsi que les acteurs, les praticiens désignent leur pratique. Il y a une hétérogénéité des noms, et cette hétérogénéité renvoie à la variété des acteurs et à la variété des champs de pratique qui se sont structurés et ont construit des identités, très souvent en autonomie. Un regard a priori superficiel sur les pratiques de la paire aidance pourrait amener au constat d'une grande disparité des modalités concrètes. En effet, on peut observer une pratique en groupe d'entraide, en réseau de soutien, en forum internet, en permanence téléphonique, en groupe dans des réseaux sociaux. On a aussi la relation pair-accompagnant à pair-accompagné, les permanences dans les établissements et services, etc., etc. Ces relations, car ce sont avant tout des relations humaines entre pairs dont il s'agit, ce sont des relations donc de pairité. Elles peuvent se dérouler de façon tout à fait informelle, mais aussi, et c'est aujourd'hui couramment le cas, dans le cadre d'une activité bénévole et rémunérée, et donc organisée, et donc formalisée. Elles peuvent être organisées, ces activités, en établissement de soins et de rééducation, mais également dans des établissements et services des secteurs sociaux et médico-sociaux. Donc la paire aidance se déroule aussi dans n'importe quel autre contexte social, en fait, sans organisation préalable, simplement du fait que la paire aidance peut être aussi une pratique informelle à partir du moment où deux pairs se rencontrent et qu'ils se reconnaissent dans l'expérience rare de l'autre et engagent un échange sur cette base. Ces pratiques sont aujourd'hui exercées sous une variété de statuts, le bénévolat, le salariat, le libéral, l'intérim, etc. Il y a de nombreux exemples qui relèvent de ce type de solidarité spontanée et qui sont aujourd'hui assez connus. On cite très couramment les alcooliques anonymes qui ont été fondés aux USA, également les narcotiques anonymes et bien d'autres. Ces références sont souvent citées comme historiquement premières, or il n'en est rien. D'autres expériences se sont déployées beaucoup plus tôt historiquement. On a par exemple le Popular Health Movement, sur lequel a travaillé Weissmann, qui date, lui, du 19e siècle, par exemple. Et pareillement, la notoriété des alcooliques anonymes fait souvent oublier toutes les pratiques qui ont été déployées en France. On a vraiment l'impression que tout ça émerge et a émergé aux USA. En réalité, un collègue de Laporte a rapporté dans son ouvrage de 66 que 2/3 des communes françaises étaient pourvues de sociétés de secours mutuels. Donc c'était du secours mutuel apporté entre pairs et qui avait été fondé et administré des mutilés de la Première Guerre mondiale. Donc, dans le champ de la santé mentale, on trouve aussi des exemples français et antérieurs, et par exemple, plus de 300 collectifs de personnes directement concernées et auto-organisées s'étaient fédérés pour faire avancer un plaidoyer auprès du ministère en faveur de l'existence d'un statut et d'un financement pour les groupes d'entraide mutuelle. Ce qui est advenu donc dans le cadre de la loi 2005. En réalité, ce qui est véritablement nouveau, c'est l'intérêt pour et la promotion de la père aidance par les politiques publiques depuis les années 2010. Pour autant, derrière cette diversité apparente, il y a vraiment des piliers communs qui fondent l'ensemble de ces pratiques de père aidance et quel que soit leur nom. Et c'est là que la théorisation et la modélisation produites par des travaux de recherche sur ces pratiques ont été véritablement utiles. Ça permet effectivement de comprendre quelle est l'unité derrière l'ensemble de cette variété. Et un de ces piliers communs est l'articulation d'une dynamique self-help et mutual aid, comme l'a montré donc l'américaine Thomasina Borkman dans son ouvrage publié en 89. Self-help est souvent traduit en français de façon littérale par autosupport. Ce serait plus juste probablement de dire soutien par soi-même. Mais ce vocable, couramment utilisé dans le champ des addictions, correspond donc avant tout à un transfert de pratiques et de désignations qui nous arrive donc de l'Amérique du Nord. Le self-help implique l'idée de prendre ses responsabilités, de ne pas s'enfermer dans un statut de victime, mais au contraire de s'aider soi-même et de se prendre en main. Autrement dit, c'est d'un rapport à la vie dont il s'agit et qui requiert d'être acteur, de décider d'objectifs pour soi, de tendre vers l'empowerment et l'autodétermination. Il suppose également de s'en donner les moyens par la mise en œuvre d'une autodidaxie qui s'appuie sur son expérience comme sur de nombreuses ressources extérieures. En effet, dans le self-help, on a par exemple les techniques DIY, do it yourself, ou les ouvrages self-help. Ceci dit, si les groupes de soutien entre pairs existent, c'est aussi parce que, en général, les pairs se rassemblent parce que les efforts isolés peuvent ne pas mener suffisamment loin et que véritablement le soutien des pairs, les échanges qu'ils rendent possibles sur l'expérience, sur les problèmes vécus du point de vue de l'individu dans son quotidien, sont essentiels. Mutual aid correspond davantage, ou en tout cas met davantage en lumière, engagement dans des relations dites d'entraide, de solidarité, avec des individus qui vivent des expériences similaires. Donc, on met davantage en avant la question des pairs qui sont des ressources, qui sont essentielles et qui apportent du soutien émotionnel, des liens sociaux, possiblement un groupe d'appartenance, des coups de main matériels et concrets. Il s'agit aussi, de prendre ses responsabilités, de se prendre en main tout en s'appuyant sur les ressources mises à disposition par ceux qui ont vécu ces expériences similaires. Et sur ces aspects-là, De Jong et Borkman ont beaucoup travaillé. Il y a aussi l'intérêt dans cette dynamique de l'articulation entre self-help et mutual aid. En réalité, le self-help, s'aider soi-même, est possible parce qu'avec chacun de ces pairs qui s'aident soi-même, et qui échangent leur expérience avec les autres, chacun aide les autres à mieux se comprendre, d'où le nom d'entraide mutuelle. Donc, en réalité, dans le mutual aid, il est inclus la question du self-help. Un second pilier de la pair aidance, c'est la reconnaissance réciproque dans l'expérience rare du pair, lorsque deux personnes qui vivent la même expérience rare se reconnaissent donc réciproquement, pour le dire autrement. En effet, toute expérience de la vie ordinaire ne suscite pas des relations de pairité. Aucun groupe de pairs, par exemple, n'a été observé pour échanger sur des expériences telles que l'utilisation du lave-vaisselle, la conduite automobile, l'accompagnement de jeunes enfants à l'école ou encore la gestion du voisinage. Les groupes de pairs, bien sûr, s'intéressent à l'expérience, mais pas à toutes les expériences de la vie quotidienne, mais à des expériences bien spécifiques pour lesquelles il semble qu'il vaille le coup de se regrouper. Et Thomasina Borkman a travaillé sur ce point, puisque c'est en réalité essentiellement elle qui a lancé la question du savoir expérientiel dans son article de 1976. Donc elle travaillait sur les groupes de pairs, sur le soutien entre pairs, et elle montre donc que ces groupes visent essentiellement donc à répondre et à résoudre des problèmes qui se trouvent dans l'expérience de vie de ses membres et qui ne trouvent pas de solution. Mais pourquoi ses pairs ne trouvent pas de solution à leurs problèmes pourtant liés à leur vie ordinaire? Eh bien, parce qu'en fait, ce qui est constaté, c'est que le recours aux proches, aux amis et à d'autres connaissances, mais aussi le recours aux professionnels ou même aux experts ou encore aux scientifiques, ne suffit pas. En d'autres termes, le sens commun, les savoirs professionnels, les savoirs scientifiques disponibles dans nos sociétés ne sont pas en mesure de résoudre les 10 problèmes. Et d'ailleurs, Borkman précise qu'il ne s'agit pas de de phénomènes spécifiques. Les groupes self-help, les groupes mutual aid s'intéressent à des problèmes qui ne sont pas pris en charge par ailleurs. Et donc, à titre d'illustration, Borkman donne toute une série d'exemples de groupes dans son article. Elle parle par exemple des personnes obèses, de groupes de personnes qui vivent avec des addictions, avec la paraplégie, des troubles de santé mentale, etc., etc. Alors, bien sûr, cette liste n'est pas exhaustive, et puis probablement qu'elle pourrait surprendre. En effet, en quoi l'obésité, les addictions, une paraplégie ou encore les troubles de santé mentale, en quoi ne seraient-ils pas des problèmes déjà pris en charge par les savoirs professionnels déjà existants? En réalité, et c'est peut-être là le cœur de la raison d'être de la paire aidance, en réalité, tout dépend de la définition du problème qui est donné. Les problèmes auxquels contribuent les professionnels, les scientifiques, les proches, auxquels ils peuvent contribuer pour avancer vers une résolution, ne correspondent pas en général aux problèmes qui sont discutés entre pairs. Tout donc dépend de la définition du problème qui est donné. Alors, souvent, les groupes de pairs s'appuient pour se désigner sur le sens commun ou sur les catégories scientifiques, hein, et souvent, ils reprennent les diagnostics ou les... Mais ce qu'on constate quand on a l'occasion de participer à ces groupes ou d'assister à des relations de pairité en one-to-one, c'est que les problèmes discutés, eux, par contre, s'appuient pas tant que ça sur le sens commun et sur les catégories mobilisées par les professionnels ou scientifiques. Par exemple, au sein d'un groupe de personnes qui vivent avec des addictions, moi, j'ai eu l'occasion d'observer la discussion d'un problème. Il s'agissait de remédier à des effets d'apaisement, voire d'endormissement, qui étaient provoqués par la consommation de cocaïne, en lieu et place, bien sûr, de la stimulation escomptée. Voilà le type de problème auquel, en général, le professionnel ne répond pas et qui ne sont pas véritablement investis par les scientifiques ni par les proches. Ce n'est pas un problème de leur point de vue. Pareillement, toujours dans ce forum internet sur lequel j'ai travaillé, j'ai constaté qu'il y avait toute une conversation qui s'était développée autour du sens qu'on pouvait attribuer aux expériences visuelles qui sont vécues lors des trips psychédéliques. Alors, à la fois le sens, à la fois les différentes significations. Et sur un tout autre registre, par exemple, concernant les personnes blessées médulaires, il y a souvent des échanges autour du contrôle des contractures. Donc, c'est des mouvements qui sont non volontaires et qui se déclenchent donc de manière autonome dans la partie du corps qui est en dessous du niveau de la lésion de la moelle épinière. Et il se trouve que ces personnes sont intéressées par prendre le contrôle sur ces contractures. Ça leur permet de faire des mouvements que par ailleurs, elles ne peuvent pas produire. Et parfois, une fois, deux fois, trois fois dans la journée, ça peut leur être très utile. Ces personnes peuvent aussi discuter entre pairs de comment gérer la miction lors de sorties nocturnes, en boîte de nuit, avec des amis, en tout cas dans des espaces sociaux où les toilettes ne sont ni très propres ni très accessibles et ne permettent pas de faire tous les soins d'hygiène nécessaires et adaptés. Enfin bon, autant de problèmes donc qui se posent dans la vie quotidienne de ces individus et auxquels ne répondent pas les savoirs professionnels ou scientifiques, ni même le sens commun ou les proches aimants. Autrement dit, la paire aidance porte sur les expériences rares, celles qui échappent au sens commun, celles qui échappent au savoir professionnel ou scientifique, mais qui pour autant posent couramment problème dans la vie ordinaire et restent souvent durablement irrésolues. Et c'est ça qui amène à recourir aux échanges entre pairs. Alors, ces expériences, elles ont été identifiées sous les terminologies d'expériences rares ou d'expériences non intersubjective. Et ça, c'est en lien avec le concept d'intersubjectivité développé par Schutz dans son ouvrage de 1962. Un troisième et dernier pilier de la paire aidance est la co-construction de savoir expérientiel rare ou aussi non intersubjectif. Les deux terminologies sont valables. Les échanges d'expériences entre pairs, et plus précisément concernant les expériences rares, permettent progressivement à chacun des individus de mettre de plus en plus finement en signification, de mieux en mieux comprendre sa propre expérience et de produire au fil du temps, détail par détail, une meilleure compréhension et donc, et par suite, une meilleure gestion de cette expérience rare et de ses conséquences sociales notamment. Et quand je parle de conséquences sociales, je pense notamment aux questions de stigmatisation ou de discrimination toujours envisageables. Donc ce type de savoir s'élabore par la réflexion sur les informations directement issues des expériences rares ou non intersubjectives. Elle s'élabore à partir du point de vue intérieur à l'expérience et elle ne s'appuie donc pas, et sûrement pas même, prioritairement sur le sens commun, les savoirs professionnels ou scientifiques. La contribution des pairs qui vivent ces expériences rares similaires peut s'avérer et même s'avère régulièrement essentielle à la production de ces savoirs expérientiels. Ce qu'on peut aussi dire pour résumer la question des savoirs expérientiels, souvent ils visent l'action, souvent ils visent la résolution de problèmes de la vie quotidienne, mais pas systématiquement. Et du fait qu'ils ne participent pas du commun, ce type de savoir ne peut pas être construit, ni appris, ni diffusé de la même manière et avec les mêmes mécanismes cognitifs et sociaux que les savoirs acquis ordinairement par la socialisation, l'éducation ou l'instruction. Je te remercie pour ce panorama très complet, très socio-historique aussi et un peu international, autour de ce concept. Et je trouve que le dernier point est particulièrement éclairant sur la définition de la paire aidance. Dans l'ouvrage, tu t'intéresses donc également à la figure en fait, des paires aidants, donc, qui sont les paires aidants, et tu t'appuies notamment sur un travail de terrain. Est-ce que tu peux nous donner des informations à la fois sur la méthodologie de cette enquête et ses résultats? Et est-ce qu'on peut considérer les pairs aidants comme des professionnels? Alors, pour revenir à l'ouvrage lui-même, l'accompagnement et le soutien par les pairs, quand je l'ai rédigé, j'avais pour objectif de produire une synthèse. Ça n'existait pas à l'époque, une synthèse sérieuse, conséquente. Donc, une synthèse sur la paire aidance. Et je la souhaitais utile aux chercheurs, mais aussi et avant tout peut-être aux pairs, et également aux professionnels des secteurs concernés, les secteurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux. Alors, cette synthèse, elle constitue à la fois un état des lieux, des connaissances scientifiques sur le sujet en 2017, on a quand même beaucoup avancé depuis. Elle correspondait à la transmission des résultats, effectivement, des propres recherches. Et donc, il y a plusieurs enquêtes de terrain, je vais y revenir. Et puis, c'était aussi un contenu qui était organisé de manière thématique, pour permettre au lecteur d'entrer dans le sujet par son propre questionnement et donc par le chapitre qui l'intéresse. Et c'est pour ça que j'avais présenté d'abord un cours historique des pratiques, mais aussi des notions pour permettre de comprendre la cohérence de ce champ. J'avais aussi proposé des explications sur ce qu'est un pair et les principaux effets qu'on peut attendre des relations de pairité. Il y avait un chapitre qui était consacré à détailler les spécificités de la posture relationnelle, des objectifs et des prérequis pour accompagner de manière formelle ses pairs, donc quand on est bénévole, salarié, intérim, en libéral, etc. Et il y a trois chapitres qui sont consacrés au savoir expérientiel eux-mêmes. Et puis enfin, le dernier chapitre qui portait déjà, parce que la question était absolument essentielle à l'époque, et l'est encore, portait sur la collaboration entre professionnels des secteurs sanitaires, sociaux, médico-sociaux et les pairs aidants. Et il y avait déjà beaucoup à dire à cette époque. Mes propres enquêtes, puisque c'est un peu la question sur la paire aidance, donc elles sont toutes de type ethnographique. J'ai débuté ces travaux en 2011, donc il y a maintenant 14 ans. Et elles se déroulent encore à ce jour. Il y a encore une enquête en cours aujourd'hui. Et donc, elles se sont déroulées à travers plusieurs programmes de recherche. Elles couvrent des échanges sur elles portent sur les échanges, sur les expériences relatives aux situations de handicap, aux maladies chroniques ou encore aux troubles de la santé mentale. Les terrains sont situés principalement en France, mais aussi aux États-Unis, au Canada, en Allemagne. J'ai fait quelques incursions dans d'autres pays européens, mais plutôt pas des enquêtes ethnographiques où là on y passe au moins plusieurs mois, hein, mais plutôt sur 2, 3 semaines. Et puis les techniques d'enquête déployées, bon, sont assez classiques, hein, somme toute. L'entretien semi-directif, peut-être moins courant, l'entretien d'explicitation, l'observation directe, l'observation participante, les focus groupes. Et puis également, et bien sûr, le recueil de données sur divers documents produits ou utilisés par les acteurs de ces terrains ou encore sur leur site web. Ces travaux de recension de la littérature scientifique et les analyses des données qui sont issues des enquêtes que j'ai menées donc m'ont amené à mieux cerner ce qu'est un père en situation et en relation, et à essayer de théoriser cette posture relationnelle et cette pratique. Et pour faire simple, je dirais que le père aidant, c'est celui qui développe des relations de parité avec ses pairs. Alors ça signifie plusieurs choses. Tout d'abord, cela implique qu'un autre, qui vit également des expériences rares similaires, qu'un autre se soit reconnu dans ce que le père lui donne à voir ou à connaître de ses expériences rares. Parce que bien évidemment, on peut choisir de cacher ces expériences rares, notamment pour éviter la stigmatisation et la discrimination. Donc ça suppose déjà de donner à voir ou de donner à connaître. Quand on est père, c'est parce qu'un autre nous reconnaît comme tel. Aussi, c'est pas parce qu'on est inscrit dans l'organigramme d'une structure, dans le rôle de père aidant, qu'on est le père de quelqu'un d'autre et qu'on est donc effectivement son père aidant. C'est bien parce qu'il y a cette identification réciproque dans l'expérience rare de l'autre, quand l'on devient son père, que l'on devient un père aidant. Et donc cette identification réciproque, elle n'est pas systématique. Elle ne peut pas être forcée, elle dépend complètement de l'autre, de sa subjectivité, de la manière dont il se sent concerné par ce que le père lui donne à voir de son expérience rare. Et donc, elle se déploie en réalité spontanément. Donc, être père aidant, ça suppose également, et en retour, de s'identifier à dépendre de l'expérience rare de l'autre, de pouvoir échanger avec lui sur les dites expériences et de pouvoir mobiliser de manière opportune les souvenirs qui remontent à la conscience dans ce cadre. Lorsque cette identification se déroule, cette identification réciproque, donc c'est là qu'est permis le déploiement de relations de parité. Ce type de lien social est caractérisé par de nombreux aspects. Alors parmi ceux-ci, parce que j'aurais pas le temps d'être exhaustif, on peut constater que très couramment, il y a l'a priori d'être compris même en profondeur par le père, parce que lui aussi a vécu ou vit l'expérience rare. Il y a une proximité émotionnelle qui est très clairement facilitée. Et Provencher, en 2011, en a beaucoup parlé. Il y a une confiance qui est beaucoup plus aisée, une moindre crainte du jugement du père. Une horizontalité qui est très couramment constatée et qui découle du fait qu'on est à égalité parce qu'on traverse les mêmes expériences. Il y a souvent l'espoir qui est facilité, qui est redonné, mais à condition que le père aille bien, et en tout cas ait l'air d'aller bien. Cette rencontre avec le père aussi permet couramment d'améliorer l'estime de soi, la confiance en soi, voire même l'acceptation de soi. Le père peut facilement, ou en tout cas couramment, pratiquer la validation d'expériences rares et également des émotions éprouvées. Donc en réalité, si je devais résumer ça en quelques mots, je dirais que le père aidant, c'est celui qui est habile à s'engager avec ses pairs dans un lien social particulier qui est la relation de parité. Et l'ouverture relationnelle spécifique que ce lien permet complète en réalité ce que peuvent apporter par ailleurs les autres professionnels du soin ou de l'accompagnement. Je te remercie à nouveau pour cette réponse très complète. Et comme je vois que le temps avance, j'aimerais qu'on passe à une autre thématique. Les savoirs expérientiels occupent tout naturellement également une place majeure dans l'ouvrage, et tu as pu déjà en parler. Tu expliques qu'ils sont acquis par la pratique et sont ainsi socialement situés. Peux-tu revenir sur la nature de ces savoirs tels que tu les présentes dans l'ouvrage et peut-être souligner comment s'organise la transmission auprès des publics cibles. Alors, généralement, je parle de co-construction de savoirs expérientiels rares, et c'est effectivement un des piliers de la pair aidance, donc c'est absolument essentiel d'en parler aujourd'hui. Certains savoirs expérientiels rares peuvent effectivement être acquis par la pratique. Cependant, peut-être que vraiment le cœur du moteur, c'est des savoirs qui sont acquis dans le cadre de l'expérience d'un phénomène spécifique. Ça a d'abord été souligné par Borkman, mais c'est globalement souligné par tous les auteurs qui s'intéressent à ce sujet. Ce savoir est enrichi. Ça peut être un savoir très simple au départ, qui est progressivement, au fil de la sémantisation de l'expérience, enrichi, notamment par la réflexion en tout cas à partir des échanges entre pairs, à partir des témoignages des pairs, à partir de l'observation, le raisonnement et l'appropriation d'autres types de contenus également. Donc, un savoir expérientiel est souvent un savoir hybride. Il a rarement pour seule source l'expérience de l'individu. Il a pour source essentielle et fondatrice l'expérience de l'individu. Sa production nécessite de nombreuses acquisitions antérieures également, au sens où, pour penser son expérience, il a fallu penser d'autres expériences en amont. Et notamment, par exemple, travailler à partir d'un langage qui permet de penser. Le savoir expérientiel peut prendre des formes variées. Ça peut être un savoir pratique, un savoir d'action, un savoir technique, un savoir procédural, un savoir théorique. Je ne pense pas qu'il y ait de formes que ne puisse pas prendre le savoir expérientiel. Il y a des formes moins courantes que d'autres, notamment la forme théorique. Donc, le savoir expérientiel n'est pas réductible au savoir pratique et aux trucs et astuces. C'est davantage que ça. Le savoir expérientiel est fréquemment associé à la conviction profonde de sa véracité, du fait probablement de son fondement dans l'expérience. Et cette certitude qui est vécue donc par les pairs augmente quand elle est confirmée par les témoignages et les échanges entre pairs. Et plus avant, le savoir expérientiel est souvent et généralement perçu comme la réalité. Il n'y a pas forcément de distinction claire entre le savoir expérientiel et la réalité. Ce n'est pas nécessairement évident. Ce type de connaissance se distingue couramment par le fait de ne pas être reconnu, donc pas comme savoir, mais plutôt comme réalité. C'est un savoir qui, par ailleurs, est singulier, qui est situé dans une expérience individuelle et subjective, et qui est plus ou moins représentatif du vécu des autres pairs. Il peut cependant prétendre à une pertinence bien plus vaste s'il est perfectionné par un travail systématique et rigoureux d'analyse des expériences similaires d'autrui. Et donc, le savoir expérientiel rare est par nature évolutif. Il est toujours susceptible d'être réaménagé, d'être amélioré, d'être remis en question par de récents apprentissages effectués grâce à de nouvelles expériences. Et puis, de plus, comme il est issu du processus de sémantisation de l'expérience, il procède de la connexion continuelle entre signifiant, signifié, signification. Or, la signification peut toujours être affinée, remplacée, transformée. Si on ne change pas les mots, si on ne change pas la chose, on peut mieux la comprendre. Et donc, l'expérience donne souvent à comprendre de nouvelles informations, chemin faisant. Et donc, ça permet d'améliorer la signification et de mieux mettre en sens son vécu. Donc, le savoir expérientiel est, dans une certaine mesure, on peut le considérer comme provisoire dans son contenu et perfectible tout au long de la vie. Ce que je voudrais rajouter, c'est que le travail d'enquête de terrain que j'ai mené a amené à constater que le savoir expérientiel rare n'est pas transmis comme nombre d'autres, savoirs. Les processus sociaux qui sous-tendent ordinairement la transmission des savoirs de génération en génération ne sont pas efficaces pour le savoir expérientiel. Pour des raisons très simples, hein, mais sur lesquelles je ne vais pas développer, mais il n'y a pas eu de typification, il n'y a pas eu de typification réciproque, il n'y a pas eu de sédimentation, il n'y a pas eu de légitimation, pardon, etc. Et donc, comme on l'a déjà fait remarquer, savoir expérientiel rare, il porte sur des expériences non intersubjectives, autrement dit des expériences qui ne sont pas comprises par le sens commun, les savoirs expérientiels, les savoirs professionnels et scientifiques, pardon. Et je pense que pour arriver à me faire comprendre, je préférerais prendre un exemple très rapidement, mais qui permettrait de ne pas donc répondre à une croyance, mais permettre d'appréhender concrètement ce que signifie ce savoir expérientiel rare. J'ai notamment travaillé avec une jeune femme qui éprouve des douleurs extrêmes et qui les a éprouvées jusqu'à l'âge de 28 ans sans comprendre ce qui se passait, comment elles étaient déclenchées et qui donc n'arrivait pas à les gérer. Mais ces douleurs étaient tellement intenses qu'elles l'empêchaient de dormir une nuit, deux nuits, etc. Et bien sûr, donc, qu'est-ce qui lui était proposé par ses proches, par les professionnels? Assez spontanément, on aurait envie de lui proposer de prendre de l'aspirine, du paracétamol, de mettre de la chaleur avec une bouillotte, par exemple, pour détendre les muscles, si jamais c'était musculaire, de mettre une poche de glace pour anesthésier la douleur, si jamais c'était d'une autre nature, une crème antalgique, un massage par le kiné, enfin, etc., etc. Elle a bien sûr consulté ses médecins. Elle n'a jamais eu de solution à son problème. Et en réalité, elle a fini par comprendre à l'âge de 28 ans qu'il fallait qu'elle s'isole. Elle s'isole de toute stimulation sociale pendant 48 heures. Et là, elle retrouvait une détente qui permettait donc de sortir de la surstimulation sociale. Visiblement, c'est de ça dont il s'agit pour elle, mais aussi pour d'autres personnes avec qui je travaille, dont je me rends compte qu'elles vivent des phénomènes similaires. Et cette solution ne lui a jamais été proposée ni par les professionnels, ni par le sens commun. Voilà, donc c'est ça qui est véritablement important de comprendre, c'est que vraiment, il y a quelque chose derrière ces savoirs expérientiels rares. C'est pas juste une nouvelle mode ou... Non, on est en train de creuser et d'approcher de nouvelles connaissances et qui probablement vont pouvoir apporter beaucoup dans le cadre de l'amélioration de la qualité de vie de ces personnes, mais aussi dans le cadre des soins et des accompagnements. Voilà. Je te remercie. Et l'incarnation dans ce dernier exemple que tu as partagé là autour de l'expérience de cette jeune femme, c'est une bonne transition vers ma dernière question, qui serait dans quelle mesure les principes de co-construction, de savoir, de la pair aidant s'interrogent plus largement la constitution de connaissances scientifiques. Est-ce que la pair aidant, c'est aussi un moyen d'encourager à produire de la recherche avec les personnes concernées dans un rôle d'experte? Alors, les savoirs expérientiels rares qui sont produits au sein des échanges d'expériences entre pairs, en fait, donc, sont donc d'une autre nature que les savoirs scientifiques et le sens commun. Ça, je pense que on se l'est dit. Et ça veut dire concrètement qu'ils ne sont pas construits selon les mêmes règles que les savoirs scientifiques et ni par les mêmes processus sociaux que le sens commun. Et comme nous venons de le montrer précédemment, donc ils ne sont pas constitués de la même façon. À ce titre, on ne peut pas dire qu'ils interrogent particulièrement la science. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est que par contre, ils intéressent la science parce qu'il y a de nombreux problèmes pratiques qui se posent et qui supposent de mieux comprendre de quoi il en retourne quand on parle des savoirs expérientiels. Par exemple, au niveau individuel, tout d'abord, le savoir expérientiel d'une seule personne permet-il ou pas de parler au nom d'une communauté de pairs? Est-ce que le savoir expérientiel d'un seul peut être estimé représentatif? Ou bien, comment choisir donc celui qui va représenter ses pairs? Et dans ce cas-là, au nom de quoi? Est-ce que c'est avec son savoir expérientiel? Ou est-ce que c'est sur la base d'un travail de co-construction d'une position commune? Voilà, il y a des enjeux autour de ça. Aujourd'hui, il y a des discussions avec peut-être des confusions entre position commune et savoir expérientiel. Parce que peut-être qu'il est attendu que dans une même situation, tout le monde vive les mêmes expériences, ce qui n'est pas le cas. Et d'ailleurs, les savoirs expérientiels à l'individu peuvent entrer en contradiction avec ceux d'un autre individu qui vit pourtant une situation similaire. Et donc, dans ce cas-là, comment est-ce qu'on fait pour départager les savoirs expérientiels et selon quels critères? Ou est-ce qu'au contraire, on doit considérer qu'ils ont tous la même valeur fondamentalement, mais que par contre, ils ne valent que pour une seule personne? Donc ça, c'est une première série de questions auxquelles il faudrait pouvoir répondre. Il y a aussi des questions qui se posent au niveau collectif. Est-ce qu'on peut affirmer qu'un groupe de pairs aurait davantage de savoir expérientiel qu'un autre groupe de pairs? Ou bien est-ce qu'on peut affirmer que les savoirs expérientiels des uns seraient plus utiles, plus pertinents, plus valides que ceux des autres? Ou est-ce qu'on peut affirmer également que les savoirs expérientiels des personnes directement concernées seraient plus pertinents que les savoirs expérientiels de leurs proches ou l'inverse? Et en l'occurrence, c'est absolument pas des enjeux bénins que de se poser ce genre de questions. Par exemple, il y a toute une discussion aujourd'hui en cours, peut-être même une polémique, entre les personnes sourdes qui, de par leur expérience, considèrent que les implants cochléaires ne sont pas souhaitables, et des proches qui, au contraire, décident, quand l'enfant est en bas âge, de faire opérer pour proposer l'implant cochléaire au nom justement du développement de l'enfant. Et tout ça se base toujours sur des savoirs expérientiels. Donc les savoirs expérientiels peuvent être en contradiction et donc comment faire pour les départager et sur quels critères? Enfin, la question se pose aussi au niveau organisationnel ou au niveau politique, sur quels savoirs expérientiels peut-on vraiment, véritablement s'appuyer pour améliorer la qualité d'une offre de service, pour penser une politique publique? On constate, et c'est un enjeu, qu'il y a eu des mises en concurrence de savoirs expérientiels. Il y a des quelques publications aujourd'hui, celles ne sont pas très nombreuses, mais qui montrent quand même qu'il y a des lobbies industriels dans le champ de la santé qui agissent pour favoriser l'émergence et la reconnaissance de tel ou tel mouvement de patients, mais parce que les savoirs expérientiels promus vont dans le sens de ces lobbies industriels. Voilà, alors on n'a peut-être pas encore assez avancé, je pense, sur la compréhension des savoirs expérientiels. Il y a encore du travail à faire pour pouvoir vraiment interroger la constitution des savoirs scientifiques avec, mais par contre, et ça c'est probablement beaucoup plus intéressant et beaucoup plus l'actualité, c'est la question de la contribution possible de ces savoirs expérientiels rares à la production des savoirs scientifiques rigoureux qui nous intéressent. Et en l'occurrence, je sais qu'il y a plusieurs communautés mixtes de recherche qui existent aujourd'hui, et pour ma part, je me suis moi-même engagée aujourd'hui dans l'expérience avec une communauté de recherche constituée de citoyens, dont beaucoup, beaucoup de pairs, des professionnels, et on cherche donc à progresser ensemble et à voir comment nous pourrions travailler dans la production de savoirs scientifiques. C'est un projet, je trouve, exigeant, mais en tout cas qui devrait aussi nous éclairer sur d'autres atouts encore peu connus des savoirs expérientiels rares. Je te remercie et nous aussi au PPR, on s'intéresse à cela et on a également au sein de nos projets, un des projets qui est porté par une communauté mixte de recherche. Merci beaucoup Ève d'avoir répondu à nos questions ce soir. Je vais laisser la parole à ma collègue Laure qui va faire une petite recommandation culturelle en lien avec la thématique qu'on vient d'évoquer. Bonsoir à toutes et tous. Merci Marie. Je vais donc prendre le relais le temps d'une courte chronique et après on reprendra avec la table ronde comme d'ordinaire. Donc la recommandation du mois, bien sûr, elle est en lien avec la discussion du jour et je vous propose de découvrir un documentaire d'une cinquantaine de minutes sur l'association La Maison Perchée, qui a été fondée par des pères aidants, qui est dédiée à la pérédance. Bref, c'est une initiative de pères aidants. Et ce documentaire a été réalisé par France TV Slash. Il a pour titre De la survie à la vie, l'incroyable parcours de jeunes face aux troubles de santé mentale. Et il raconte une série d'histoires. Celle de l'aventure, de l'ouverture de la Maison Perchée, évidemment, puis de ses activités du quotidien qui est faite de rencontres formelles et informelles, aussi l'histoire de ses fondateurs et de ses fondatrices. Et ses fondateurs et ses fondatrices ne sont pas tous et toutes directement concernés par les troubles psychiques. comme la bipolarité, la schizophrénie ou la dépression, mais ils sont majoritaires à en avoir une expérience personnelle et à témoigner à l'écran de leur parcours de vie, des moments de crise, des hospitalisations, de leur parcours vers leur rétablissement et de ce qui les a amenés à fonder la Maison Perchée. Et cette association et ce lieu, parce que c'est aussi un lieu, est le produit de ce qu'ils désignent comme étant leur pulsion de vie. Elle abrite des moments de vie et offre un accompagnement entre pairs à de jeunes adultes, spécifiquement de jeunes adultes. Elle prend la forme d'un café qui est situé en plein cœur de Paris où les personnes qui vivent avec un trouble psychique peuvent venir passer un moment, échanger avec les autres qui l'ont conçu et parler d'eux sans filtre. Donc c'est parler des troubles, de ce qu'ils font et de ce que eux et elles font de ces troubles. C'est aussi parler en confiance, sans craindre de ne pas être compris ou bien craindre d'être regardé de travers, parce que après tout, la promesse de la Maison Perchée, c'est ça, c'est que c'est leur maison, ils y sont chez eux et ils peuvent y être eux-mêmes. Et le documentaire, en fait, c'est une première porte d'entrée pour découvrir cette initiative de Pères Aidants. Donc, je vous invite bien sûr à le regarder, mais aussi à consulter le site internet de la Maison Perchée, donc maisonperchée.org. Vous y trouverez une présentation complète de leur démarche, des missions qu'ils se donnent, dont la principale est l'accompagnement et de leurs activités. Donc, ils entretiennent par exemple une très très belle galerie d'art, ils organisent des rencontres avec des invités autour de la santé mentale et ils produisent aussi de nombreuses ressources, donc des guides pour mieux vivre avec les troubles psychiques, des guides sur les troubles, un podcast qui a été créé par les membres qui s'appelle La Perche. Et donc c'est un podcast qui a une série d'épisodes qui sont construits autour de thématiques et pour partager des expériences. Ils ont même une chaîne YouTube avec des rediffusions de leurs événements passés et même un grand wiki. En l'occurrence, c'est une grosse bibliothèque de ressources sur les troubles psychiques. Et donc, vous pourrez constater dans toutes ces ressources et dans ce documentaire que la question de la pair aidance, elle est vraiment au cœur de leur démarche et de leur réflexion et qu'ils et elles ont à cœur d'en faire un sujet de réflexion et de discussion au sein de leur initiative. Ils en défendent vraiment l'importance et la pertinence. Et que vous soyez donc directement concernés par les troubles psy ou pas du tout, la Maison Perchée a vraiment beaucoup à offrir parce qu'elle se donne aussi pour mission vraiment de faire connaître ces troubles plus largement pour les déstigmatiser. Et dans ce cas-là, la Pair Aidance devient un collectif qui permet de prendre la parole ensemble en tant que personne concernée sur une problématique partagée. Donc, comme d'ordinaire, tous les liens sur le sujet sont en barre d'infos de cette vidéo. Et je vais vous souhaiter une bonne suite d'émissions. On fait juste une courte pause. Bonne soirée. Pour cette seconde partie d'émission, j'ai le plaisir d'accueillir donc, Laetitia Rebord, Yves Bancelin et Maxime Moyau. Je repréciserai qu'ils sont en leur posant des questions personnalisées. Et donc, ce panel va nous permettre de questionner les pratiques de pair aidance au quotidien et sur le terrain. Alors, je vais commencer avec Laetitia. Laetitia, bienvenue. Merci. on a déjà eu l'occasion de te recevoir à plusieurs reprises, mais aujourd'hui, c'est sous ta casquette de pair aidant professionnel spécialisé dans l'accompagnement à la vie affective et sexuelle des personnes en situation de handicap que je vais te poser quelques questions. Alors, tout d'abord, donc, tu es une pair aidante professionnelle, ce qui n'est pas toujours le cas, puisque le bénévolat occupe une place encore importante dans cette pratique. Est-ce que tu peux revenir sur ton parcours et ce qui t'a conduit à te professionnaliser? Et dans un second temps, qu'est-ce qui, selon toi, constitue le cœur de la pair aidance et plus précisément de la pair aidance en santé sexuelle? Est-ce que tu pourrais, si tu as le temps, nous décrire une de tes journées type, voilà, par exemple? Oui, alors en effet, mon, mon chemin en fait pour être père aidante professionnelle. Et c'est bien que tu le précises parce qu'on a tendance peut-être à l'oublier, j'en reparlerai après. Donc en fait, il est très lié à mon vécu. Alors je vais essayer de vous résumer tout ça, même si c'est difficile à résumer en quelques minutes. Mais en fait, mon point de départ, ça a été vraiment ma propre difficulté hein, d'accès à une vie affective et sexuelle. Ça, c'est vraiment le point de départ. Très tôt, en fait, j'ai ressenti un fort intérêt déjà personnel pour ces questions dans la sexualité. Mais en fait, dans mon parcours vraiment de femme handicapée, et ben, ces enjeux, ils me semblaient complètement inexistants, niés, vraiment même invisibles. Et même les luttes handies, en fait, elles m'abandonnaient à cet endroit-là. En fait. Donc, j'avais le sentiment, en fait, de juste pas exister. Et c'est ça qui me gênait profondément. Alors en 2009, rapidement, j'ai suivi une formation avec Sheila Varambourg dans le cadre du programme Handicap International pour animer des groupes de parole autour de la vie affective et sexuelle. Ensuite, en 2014, je me suis moi-même engagée, mais cette fois-ci bénévolement à l'APAS. Donc l'APAS, c'est l'Association pour la promotion de l'accompagnement sexuel qui était présidée par Marcel Nuss. Donc pendant 4 ans, j'ai fait donc une période militante qui a pour moi été d'ailleurs très formatrice dans le milieu. Et en 2016, j'ai moi-même fait appel à un accompagnant sexuel formé par cette association, ce qui m'a permis d'abord de vivre une première expérience dans ce domaine, avant bah, de connaître ma première relation amoureuse, mais à l'âge de 35 ans. Et c'est à ce moment-là, en fait, que j'ai eu envie d'accompagner d'autres personnes, en fait, là où j'aurais aimé être aidée, d'ailleurs, moi aussi, à l'époque. Donc, j'ai commencé par des témoignages, puis j'ai eu ce besoin vraiment d'aller plus loin, de rendre cette activité véritablement, donc, professionnelle. Alors, en France, comme vous le savez, si on n'a pas de diplôme, on est très peu légitime. Donc, pour paraître légitime, eh ben, j'en ai passé un. Hein. Donc, j'ai suivi un DU, personne experte en situation de handicap, donc à Paris Diderot, en 2020, d'ailleurs c'était le tout début du Covid, je m'en souviens bien. Et bon, je n'ai pas vraiment appris grand-chose, hein, pour être très honnête, et même d'ailleurs au niveau de la sexualité, je pense que je pouvais moi-même largement en apprendre aux enseignants par rapport au handicap notamment. Et en 2021, j'ai créé donc mon entreprise, Sexpert, avec une ambition qui pour moi est toujours la même, c'est permettre et faciliter l'accès des personnes handicapées à une vie affective et sexuelle, pardon, épanouie. Et pour ça, je propose différents types d'accompagnement, des groupes d'expression, des séances de coaching, d'ailleurs beaucoup pour parler de liberté affective et sexuelle et d'autodétermination, mais aussi de la formation pour professionnels de santé, du social, du médico-social. Je fais aussi de l'accompagnement sur mesure des proches aidants qui veulent aider donc leurs proches en situation de handicap. Et puis sur un autre volet, je fais beaucoup de sensibilisation plus large, notamment via les réseaux sociaux. Hein, je pense notamment à mes formats de type publication, vidéo et podcast, hein, que j'ai d'ailleurs commencé il y a peu, pas très longtemps. Donc ça, c'était pour vous dire rapidement mon parcours. Après, par rapport à la nature de la pérédance, à mon avis, pour moi, il faut être conscient que la pérédance, ce n'est pas juste raconter son histoire. C'est bien plus que du témoignage. Pour moi, donc on en a déjà parlé avant avec Ève, mais c'est une transmission, évidemment, de savoir, d'expérience. Mais ce savoir-là, il a été travaillé, il a été digéré, il a été analysé pour, je dirais, accompagner l'autre, donc l'autre, dans mon cas, c'est mes pères, sans projeter et sans imposer une certaine aussi vision que je pourrais avoir. Et en plus, moi, j'accompagne des personnes qui ont des types de handicap différents. Donc, on peut avoir des vécus bien différents aussi. Et dans le champ de la santé sexuelle, c'est encore un peu plus délicat parce qu'il s'agit vraiment d'aider la personne vraiment à accéder à sa liberté affective et sexuelle, à se donner les moyens d'une vie qui lui ressemble, même avec les contraintes que cela peut représenter avec le handicap. Et ça implique donc de travailler sur l'estime de soi, sur l'autonomie, sur les rapports de pouvoir aussi, dans les relations, parce que la dépendance, elle crée souvent des situations d'emprise aussi. Il faut aussi déjouer toutes les injonctions et les oppressions validistes qui pèsent, hein, sur les corps, notamment, et les désirs des personnes handicapées. Enfin, voilà, il y a tout ce côté à prendre en compte en plus de la, enfin, de la paire aidante la plus générale. Alors, par rapport à ma journée type, pour finir sur cette question, alors, il n'y en a pas vraiment, elles sont toutes très, très différentes, mais par exemple, je peux animer un atelier le matin, que ce soit en ligne ou en institution. Je peux donner une conférence l'après-midi et accompagner une personne, en coaching le soir. Ça peut être ça. Des fois, ça va être un peu moins dense. Des fois, ce sera juste à domicile. C'est pas figé. Même si c'est vrai qu'avoir ma propre entreprise, ça me permet d'avoir une pratique qui pour moi est plus adaptée aussi à mon handicap moteur. Un peu plus de souplesse aussi, mais qui n'est pas toujours facile justement en termes d'auto-entrepreneuriat. Ça peut aussi être un peu compliqué à gérer. En tout cas, moi, j'y arrive, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Je te remercie, Laetitia. Et j'invite les auditrices et auditeurs à aller effectivement consulter tes différentes pages. Alors, tu es sur LinkedIn, Facebook et Instagram. Oui, c'est ça. Voilà, et à consulter les contenus que tu évoquais qui sont hyper, hyper intéressants, je trouve, et très accessibles. Sur YouTube et TikTok. Ouais. Bah voilà, ah bah, waouh, tu es plus à la page encore que nous. Alors, Laetitia, félicitations. Je me tourne maintenant vers Yves Vancelin. Bonsoir, Yves. Alors Yves, toi tu es médiateur de santé pair et comme je l'ai précisé au début de l'émission, tu diriges une plateforme de pair aidance, Esper Pro, qui permet de mettre en lien des individus concernés avec des pairs aidants. Il s'agit à nouveau d'un effort de professionnalisation de la pratique. Donc est-ce que tu peux nous présenter la structure, son objectif, son fonctionnement, notamment le parcours de formation que vous proposez. Et comme tu es toi-même médiateur de santé pair, comment définirais-tu ta pratique et quels seront, selon toi, les principaux défis auxquels font face les pairs aidants aujourd'hui? Bonsoir, merci Marie de me donner la parole. Merci pour cette invitation. Bien volontiers. N'hésite pas à me faire signe si je commence à dépasser un peu le temps imparti. Alors, pour présenter l'association Esper Pro, j'aime bien dire que c'est une association qui est humaniste. J'aime bien les valeurs qui sont promues par ces concepts-là. C'est-à-dire que le potentiel humain doit être au cœur de la relation quand il y a relation d'aide. Et donc, il y a quelque chose qui me parle beaucoup là-dedans. Constitué par les premiers médiateurs de santé pair en santé mentale en France et qui s'appuie sur les principes fondamentaux du droit associatif. J'aime bien le rappeler parce qu'en fait, ils sont fondamentaux, justement, ces droits, la liberté de s'associer et de créer quelque chose ensemble, la non-lucrativité, c'est-à-dire que ce que l'on construit, ce que l'on produit éventuellement, parce qu'on peut produire beaucoup de choses dans des associations, ne sert pas l'enrichissement personnel, la démocratie interne et puis la transparence. Son objet social, c'est-à-dire sa raison d'être, et l'objet social, ce sera un peu la réponse à la question pourquoi cette association existe, consiste dans la fédération des pairs aidants et la reconnaissance de l'activité de la médiation pair et de son utilité auprès des pouvoirs publics. Évidemment, ceci nous mène à un intérêt majeur, créer un centre ressources et accompagner le développement de la pratique des pairs aidants, et puis accompagner également des collectifs à se structurer, à s'organiser pour faire quelque chose de semblable quand ils nous en font la demande. Aujourd'hui, elle compte un peu plus de 30 salariés, une centaine de bénévoles et elle s'organise dans un réseau très dense. Je ne les citerai pas, mais je pense qu'il y a largement plus d'une centaine de partenaires. C'est important de le dire parce que ce type d'action et d'initiative ne peut se faire, à mon sens, que quand elle est intégrée dans une logique beaucoup plus vaste que l'objet qu'elle vise. Ensuite, il a fallu, pour faire fonctionner toute la machinerie, définir un certain nombre d'objectifs. Et donc, on les a formulés de cette façon, je voulais dire tel quel, impulser donc une communauté de pratiques psychosociales en nous appuyant sur les pratiques orientées rétablissement et les savoirs expérientiels, structurer et renforcer le développement et l'essaimage de la médiation par les pairs sur l'ensemble de la région PACA et plus largement en France, et puis impulser des changements quant aux représentations sociales négatives des troubles psychiques et de la psychiatrie. Alors évidemment, comment est-ce que ça se traduit concrètement? L'idée, c'est d'améliorer l'accompagnement des problématiques de santé mentale en s'appuyant évidemment sur les savoirs expérientiels des membres qui la composent, et puis plus poétiquement, semer des graines d'espoir le plus largement possible dans un maximum d'esprit. Évidemment, la question de l'information, quand on parle de rétablissement, est fondamentale. Donc l'idée, c'est d'amener de l'information qui est accessible sur les troubles psychiques, mais aussi sur les stratégies pour surmonter les difficultés d'ordre mental qui bien souvent se répercute d'ailleurs sur le corps. Et quand le corps rencontre des difficultés, ça se répercute évidemment sur le psyché. Donc voilà, il y a un enjeu très fort autour, ne serait-ce que de l'information, c'est-à-dire de la trouver quand on la cherche. Et puis, apprendre à plus de personnes à partager leur histoire, leur savoir expérientiel, et puis soutenir à travers ces récits, la manière dont on s'approprie, dont on prend du recul sur son histoire, son développement personnel. Pour ce qui est de sa structure, elle s'organise autour d'un conseil d'administration, comme toutes les associations, qui a une composition paritaire. Très tôt, on a insisté sur ce principe-là, et donc qui réunit des personnes qui sont concernées par les problématiques de santé mentale. Et puis, elle réunit évidemment de l'autre côté des acteurs institutionnels du réseau dans l'idée que c'est possible de travailler ensemble, c'est possible de faire des choses intéressantes qui ont du sens et qui donnent des résultats. Et donc, c'est évidemment un principe fondamental, essentiel de notre fonctionnement, dans la mesure où cette composition, elle garantit un CA qui est représentatif de la diversité de l'ensemble des sujets dont on traite. Et puis, elle assure également, je pense, que les perspectives de développement sont en phase avec les réalités de terrain. Et donc ça, c'est quelque chose qui est particulièrement important pour nous. Le terrain, c'est pour moi le cœur de la matrice. Ensuite, elle s'organise dans sa structure avec une équipe de direction, donc qui s'occupe du pilotage à la fois stratégique et opérationnel, des responsables d'antenne, puisqu'aujourd'hui on est dans une phase de développement et d'essaimage. Et donc les antennes, c'est des relais à cette stratégie et aux activités et aux modalités opérationnelles qu'on met en œuvre et qui permettent de partager ces pratiques dans les territoires. Je ne peux pas parler de la structuration sans parler des ambassadeurs. Alors les ambassadeurs, c'est la force vive de l'association. Ce sont les collaborateurs de terrain qui sont engagés et qui travaillent en lien direct avec des équipes très souvent pluridisciplinaires dans les structures dans lesquelles ils sont amenés à intervenir. Donc, on peut trouver des équipes mobiles, des services hospitaliers, des unités de réhabilitation psychosociale, des cliniques privées, mais aussi des hôpitaux publics. Vraiment, on trouve des médiateurs dans toute la diversité d'établissements sociaux, médico-sociaux et sanitaires dans le paysage d'Esperpro. Et donc, par leur positionnement professionnel et expérientiel, ils assurent des fonctions qui sont essentielles dans l'accompagnement des personnes, le soutien, l'écoute, orienter, partager les ressources, accompagner sur la mobilisation des droits et tellement d'autres qu'on aurait suffisamment de temps pour tout citer. Et je finirai avec deux instances qui sont aussi importante que les précédentes. C'est le comité scientifique et technique qui est un organe nouveau sur lequel on va essayer de s'appuyer de plus en plus et donc qui se veut être un appui à la fois stratégique et éthique dans les démarches qu'on met en œuvre. Et puis l'équipe du siège qui est l'artère centrale, on va dire, de l'association, qui est son cœur battant. L'endroit où les rencontres se font, où les communications internes et externes se dessinent, et donc elle regroupe toutes les fonctions transversales d'un dispositif comme aussi structuré que celui-là. Pour son fonctionnement, on a choisi cinq axes, cinq pôles d'activité, un pôle accompagnement. Alors là, c'était très clair. L'idée, c'était qu'il soit tout public. Donc évidemment, accès non sectorisé, non soumis à une quelconque un quelconque critère diagnostique, quel que soit le niveau de rétablissement et quel que soit le niveau d'inclusion. Voilà, l'idée, c'est vraiment de proposer un espace d'accueil. Évidemment, pour organiser des soins sur un territoire, ça demande une multitude d'organisations, d'instances et de stratégies institutionnelles. Mais là, pour le coup, on s'est dit avec cet asso, on va essayer de rendre les choses le plus simple possible. Un pôle santé communautaire qui vise à réunir des personnes qui sont intéressées par la pérédance. Ou par des questions de prévention, de promotion de la santé, et de les inviter à contribuer au fonctionnement de ce pôle autour d'un agenda socio-culturel. Parce qu'on sait que bien souvent, l'isolement social, c'est un critère qui aggrave en fait les difficultés qui peuvent être rencontrées par les personnes qui traversent des difficultés mentales. Et donc l'idée, c'est d'avoir un moteur de relation, d'opportunités de sortie. Peut-être que ça pourrait rejoindre tout le sujet qu'a abordé Laetitia précédemment. Voilà, essentiellement, c'est de faire de sorte que les personnes qui s'adressent à ce pôle trouvent une manière de rentrer en relation de périté. Ensuite, on a un pôle SMH. L'idée, c'est d'élargir l'activité de l'association et de développer, d'aider, de soutenir le développement des réseaux de pair à pair. Et puis, la formation qui permet aux bénévoles et aux salariés de s'essayer sur des témoignages, de construire des contenus pédagogiques, de tenter de se trouver dans une autre posture vis-à-vis des professionnels, c'est-à-dire du côté de ceux qui amènent une forme de connaissance, qui amènent quelque chose et qui partagent leur savoir. Et donc voilà, ces cinq pôles, ils nous semblaient très bien coexister dans toute la logique décrite plus haut. Donc pour les résumer, voilà, pôle accompagnement, pôle santé communautaire, pôle SMH et développement, pôle formation. Et puis, j'ai gardé le cinquième pôle qui est la professionnalisation pour répondre à ta question sur comment est-ce que on accompagne la montée en compétences et la formation des médiateurs. Ils s'organisent au préalable autour d'un programme de formation découverte. L'idée, c'est de faire ses premiers pas autour du concept de rétablissement de la notion de père aidance et de la médiation en santé, de rencontrer l'association, de rencontrer le réseau, pour mieux se représenter ce que c'est. Parce que souvent, quand on entend parler de père aidance ou de médiation père, on se crée une image qui peut être parfois un peu éloignée de ce que c'est que d'accompagner quelqu'un quand il est au plus bas, dans une équipe qui peut aussi, à ce moment-là, être au plus bas, avec des difficultés qui peuvent être organisationnelles, qui peuvent être interpersonnelles, et évidemment que c'est complexe. Et donc, l'idée, c'est d'amener les choses progressivement. Et pour ce faire, une fois qu'ils ont participé à ce programme découverte, on leur propose de signer une fiche de mission. Et donc, l'idée, c'est de donner l'opportunité à ceux qui ont suivi ce programme de découvrir la père aidance et le métier en partageant les interventions des salariés. C'est-à-dire de commencer à découvrir quel père aidant ils sont, est-ce qu'ils se sentent à l'aise dans le rôle. Ça permet aussi de se trouver dans cette posture, d'envisager un peu différemment son histoire et de commencer à dessiner une pratique. Ensuite, on propose les mises en situation professionnelle, parce que pratiquer la père aidance avec d'autres médiateurs pairs, c'est une chose. La pratiquer dans des équipes pluriprofessionnelles, sanitaires ou médico-sociales, ou sociales, voilà, c'en est encore une autre. Et donc, l'idée, c'est de voir qu'est-ce que ça donne d'être en milieu professionnel avec les contraintes qu'on connaît aujourd'hui. Et puis, pour faciliter tout ça, on propose des intervisions qui sont des échanges autour de l'analyse de la pratique de cette activité entre pairs, qui est particulièrement structurant. On est vraiment ravis dès le départ, au lancement de cette plateforme en 2019, on a lancé ces groupes d'intervision et les résultats sont fameux. Les échanges auxquels on peut assister dans ces intervisions sont d'une richesse incroyable et je crois que c'est très formateur. Ensuite, on propose des capsules en santé. Alors là, l'idée des capsules en santé, c'est d'actualiser un peu ses connaissances sur la gestion du stress, l'animation de groupes de psychoéducation, sur le sommeil, l'alimentation. Vraiment, c'est libre. Tous les participants peuvent faire des propositions de thèmes qu'ils envoient aux animateurs et puis ensuite à eux de, s'ils le souhaitent, être contributeurs pour faire évoluer le déroulé des capsules en santé. Et l'idée des capsules aussi, c'est de mettre tout le monde autour de la table. Donc, les professionnels, les salariés, les bénévoles, mais aussi, on a dans l'idée de proposer aux personnes qu'on accompagne de nous rejoindre sur ces capsules. Comme ça, on forme tout le monde en même temps, tout le monde a accès à la même information et c'est relativement intéressant. Et puis, on a enfin, sur la partie professionnalisation, un axe soutien au développement professionnel, donc qui est proposé par les managers de l'équipe qui sont des pères aidants expérimentés, à la fois dans leur rôle d'encadrement, mais aussi en lien avec une psychologue qui est spécialisée en neuropsychologie et qui est dotée de savoirs expérientiels très riches, qui sont concomitants avec les pratiques qu'on a instaurées à Esper Pro et qui vient apporter un petit peu de support technique, de légitimité, d'astuces de terrain, de stratégie à tous les médiateurs de l'équipe. Voilà. Pardon, j'étais un peu trop long, non? Ça va? Non, ça va, mais si ça ne te dérange pas, je vais passer la parole et je pourrais te revenir vers toi aussi, mais merci, c'était très intéressant et je trouve que c'est éclairant d'avoir aussi un regard sur comment fonctionnent ces plateformes-là de père aidance, comment elles sont gérées, comment elles sont pensées et ce qu'elles offrent en termes de formation. Mais oui, j'ai le rôle désagréable d'être gardienne du temps, donc je reprends cette casquette et je vais passer la parole désormais à Maxime. Bonsoir Maxime. Tu es aujourd'hui chef de projet participation des personnes au secrétariat général du comité interministériel du handicap, rattaché à Matignon, au Premier ministre. Mais tu as travaillé au sein d'associations de personnes handicapées auparavant. Dans les deux cas, tu as à cœur de défendre les droits des individus et en particulier leur droit à l'autonomie politique. Donc, quelle pratique de père aidance as-tu croisée dans le cadre de ton parcours? Et pour creuser du côté de la décision publique, comment ces pratiques et leurs principes d'empowerment que Eve a pu évoquer en première partie d'émission peuvent être formalisés selon toi en politique publique applicable. On imagine qu'il y a plusieurs défis qui peuvent émerger, notamment dans le dialogue entre les acteurs et certains qui sont plus institutionnalisés d'un côté et d'autres qui correspondent plus au profil de Laetitia, par exemple, et la question de la professionnalisation qui en découle. Donc, comment voilà, assurer le respect d'une sorte de charte professionnelle équitable de la père aidance qui soit construite par et pour les personnes concernées et reconnues comme telles par l'État. Et je trouve que ça fait écho à tout ce que vient de décrire également Yves. Donc voilà, Maxime, je te laisse la parole. Oui, bonjour à tous. Merci beaucoup pour votre invitation. Alors, pour votre première question qui était de savoir quelles pratiques j'avais croisées dans mon parcours, je pense que comme tout le monde, j'en ai croisé beaucoup, de pratiques très diverses, en fait, très différentes. Eve en a déjà dressé un panorama et c'est très difficile d'être exhaustif finalement. Simplement peut-être pour dire que quand j'ai commencé à travailler sur cette question-là, ça fait une petite dizaine d'années maintenant. Déjà, à l'époque, on avait des conceptions du sujet très différentes. Alors, les travaux d'Eve ont quand même largement contribué au fait qu'on puisse parler à peu près avec un vocabulaire commun. Ça a quand même beaucoup aidé, mais ce n'était pas le cas. Eve a parfaitement rappelé qu'il y avait des énoncés, des titres très différents, qui existent encore, hein, d'ailleurs. Et donc, ces conceptions quand même assez différentes, parfois même des objectifs assez différents, ont atterri sur des manières de faire, des manières d'exercer différentes, des visions diverses, même des formalisations, des aspirations de la part d'associations, de groupes, de personnes en situation de handicap assez différentes. Et il faut aujourd'hui faire avec cette diversité-là qui existe. Et ce que j'ai découvert au fil du temps, c'est que la question des savoirs expérientiels rares, comme le dit Eve Gardien, ça ne concerne pas que les personnes en situation de handicap. Ces dernières années, j'ai vu un certain nombre d'initiatives, de projets extrêmement intéressants. Du côté, dans le champ de la santé, par exemple, hein, on a le champ des patients partenaires, experts, ressources, là encore on a des intitulés différents, mais tous revendiquent justement de travailler sur leurs savoirs expérientiels. Dans le champ de l'exclusion, on a là aussi il y a même des dispositifs qui existent, hein, du côté des personnes sans-abri, par exemple, du côté de la grande précarité. Dans le champ des addictions, c'est là, pour le coup, assez connu du grand public, notamment. Dans le champ de la santé mentale, où là, les politiques publiques ont avancé, je dirais, le plus ces dernières années. Eve l'a très bien rappelé depuis à peu près 2010, avec des dispositifs financés et généralisés en France. Dans le champ de la protection de l'enfance aussi, hein, ça commence à se développer beaucoup en France. Alors, dans un secteur qui n'est pas facile, qui connaît beaucoup de difficultés, mais la question des savoirs expérientiels développés par les enfants qui ont ce type de parcours, aujourd'hui, enfin, une fois devenus adultes, servent et en tout cas, il y a des perspectives et des projets pour justement les formaliser et puis faire en sorte que ces personnes puissent partager ces savoirs expérientiels. On a aussi des initiatives du côté des personnes âgées, notamment des personnes qui vivent en EHPAD. Les dernières années, avec l'actualité assez tragique sur la question des EHPAD, a aussi fait fleurir cette question-là, avec derrière des slogans, hein, de type « quand est-ce qu'on va écouter en fait, hein, les personnes âgées qui vivent en EHPAD ?» Et puis, on a des dispositifs aussi qui fleurissent et qui naissent, et, ou qui existent depuis très longtemps, mais qu'on découvre ou qu'on redécouvre, du côté des femmes victimes de violences conjugales ou de violences sexuelles, du côté de jeunes issus de la prostitution, etc. Et dedans, vous avez, on retrouve, hein, l'intersectionnalité. On a des personnes qui sont concernées par plusieurs types finalement de ces catégories. Et est-ce que l'approche par les catégories et par les publics est la bonne? Est-ce que finalement l'approche essentielle n'est pas celle des savoirs expérientiels rares? C'est-à-dire à partir du moment où les personnes développent un savoir expérientiel rare, en fait, derrière, via un certain type de formalisation, on arrive à des personnes qui deviennent des pairs, intervenants pairs, pairs aidants, etc., avec l'intitulé qu'ils choisissent. Et dans tous ces champs-là, on trouve des pratiques différentes, des pratiques de pair aidance, des pratiques en individuel, en collectif, sous différents statuts, associatifs, bénévolat, et certains sont attachés à cette question du bénévolat, d'autres sont attachés à la question de la rémunération de leur activité, mais sous un mandat associatif, d'autres vont monter des entreprises, hein, c'est le cas de Laetitia qui nous l'a décrit tout à l'heure, du salariat en entreprise ou dans des entreprises dédiées à cette question-là, des associations qui montent des plateformes, hein, on a le cas des plateformes Esper et Esper Pro, Yves nous en a présenté une d'elles, et puis parfois des volontés aussi, ou même des projets qui aboutissent sous des formes assez nouvelles de l'économie sociale et solidaire, des coopératives qui se montent, ou finalement des personnes mettent en commun leur projet de formalisation de leur activité au titre de leurs savoirs expérientiels. Donc on a comme ça, un panorama quand même très très large, hein, de diversité des pratiques et des interventions de ces personnes qui ont lieu dans des environnements là aussi très différents. Des interventions dans des entreprises, dans des associations parfois dédiées à ce qu'ils vivent, hein, notamment dans le champ du handicap, on a des associations, une structuration du milieu associatif par diagnostic, hein, par type de handicap. Et on a aussi des interventions dans des lieux, dans des services publics. Par exemple, dans le champ du handicap, on a des interventions aujourd'hui qui se multiplient dans les maisons départementales des personnes handicapées, avec des permanences pour de l'aide à la formalisation des documents administratifs. Et puis, des interventions, là, pour le coup, c'est un peu plus connu, même si ce n'est pas la pratique la plus courante, mais dans des établissements et services médico-sociaux, ou des établissements sanitaires. Et dans ces pratiques-là, une fois qu'on a fait le panorama du type de personnes qui peuvent intervenir au titre de leurs savoirs expérientiels, type de pratiques qui existent, les lieux d'intervention très divers, eh bien, en fait, on assiste, quand on va regarder, à des pratiques elles-mêmes qui sont différentes, des types de pratiques professionnelles différentes. Tout à l'heure, dans ce que nous a décrit Laetitia, on a trouvé finalement plusieurs métiers. En fait, Laetitia, d'une certaine façon, a plusieurs métiers. Tout à l'heure, elle nous a dit que le matin, elle pouvait être conférencière et l'après-midi, coach. C'est deux métiers différents qui peuvent être réunis dans une même activité professionnelle, mais ce sont deux pratiques différentes. On a des personnes qui ont des pratiques proche du coach, effectivement, de ce qu'on en connaît en tout cas en France, peut-être un peu différent à l'étranger, des pratiques de conférencier, des pratiques de formateur, très souvent, auprès des pairs, des prestations très proches parfois de l'éducateur spécialisé, ou proche du conseiller d'orientation, ou du facilitateur de choix de vie. Parfois, c'est au titre du savoir expérientiel, en fait, on intervient. Par exemple en tant que sexologue, ça peut être aussi des choses qui existent et des personnes qui se revendiquent de cette nature-là. Des pratiques liées à la représentation des pairs, représentation politique, représentation dans des instances, avec des pratiques de pairs qui là sont plutôt de l'ordre de l'advocacy, en tout cas de la défense collective des droits. Donc là, on a des pratiques très collectives au titre des savoirs expérientiels. Et donc, cette diversité-là, aujourd'hui, on la voit, on la constate hein, en France, et elle se développe, et c'est très bien. Plus on en parle, plus ça arrive, plus ça fait connaître cette question-là à un nombre de personnes très important, et c'est plutôt heureux. Maintenant, ça pose un défi, c'est-à-dire derrière cette diversité-là, on a des conceptions différentes, on peut même avoir parfois des effets un peu concurrentiels, il faut le dire, hein, c'est l'état de l'art actuel en France, mais comment derrière, en termes de politique publique, on peut se saisir d'une telle diversité? En fait, c'est aujourd'hui le défi qui est posé. On peut avoir plusieurs approches, c'est-à-dire on va venir poser des cadres ou financer, en tout cas, des initiatives, mais à un moment donné, il va falloir faire des choix d'une certaine façon et aller dans un secteur en particulier, avec un type de public en particulier, sur une pratique en particulier, poser un cadre. Et finalement, c'est ce qui a été fait, par exemple, du côté des médiateurs en santé pair. Les médiateurs en santé pair, aujourd'hui, ils ont fait l'objet d'une expérimentation, ensuite d'une généralisation, et on a des postes de médiateurs en santé pair qui sont financés dans... à la fois des établissements de soins sanitaires, de santé mentale, et puis dans des dispositifs de type un chez soi d'abord, du côté de l'accompagnement au logement. Et donc là, on a financé, finalement, la politique publique a posé un cadre sur un métier avec derrière une formation ad hoc. Est-ce que on doit multiplier en fait ce type de dispositif-là, et quasiment les multiplier par autant de nombre de types de pratiques que l'on a? Bon, bah, c'est la question qu'on doit se poser aujourd'hui. On a beaucoup de demandes sur la professionnalisation. En fait, il faut s'interroger sur ce qu'on entend par professionnalisation. Est-ce que la professionnalisation, c'est le fait d'accéder à un diplôme? C'est ce que disait Laetitia tout à l'heure. Aujourd'hui, on connaît l'importance quasi symbolique du diplôme en France, mais qui n'est pas si symbolique que ça, parce que derrière... C'est ce que disait aussi Ève très bien, derrière la pratique au titre de ses avoirs expérientiels, ce n'est pas simplement que intervenir au titre de son savoir expérientiel, ce n'est pas le fait d'en détenir qui professionnalise la personne. Derrière, ce sont des compétences à acquérir et qui peuvent là, pour le coup, être acquises via des formations. Donc, on peut atteindre cette question de la professionnalisation via la formation, aussi via le statut. Et c'est la demande d'un certain nombre d'associations aujourd'hui qui demandent à viabiliser le statut je ne sais même pas quel terme employer, finalement, du père aidant, par exemple, dans un certain type de structure d'organisation. Par exemple, on pourrait, c'est ce qui a été fait par les pouvoirs publics dernièrement, professionnaliser les médiateurs en santé pair parce qu'on donne un statut dans un écosystème en particulier, en l'occurrence le milieu sanitaire. D'ailleurs, ce statut reste encore aujourd'hui à parfaire. Et c'est l'aspiration que certaines organisations ont, certaines pratiques ont, du côté, dans le champ en tout cas du handicap, quand les personnes en situation handicap veulent être, par exemple, accompagnées dans les établissements et services médico-sociaux. Et puis, le dernier aspect de professionnalisation que l'on peut avoir, au-delà de la question de la formation et du statut, ou en tout cas de ce qu'on pourrait imaginer comme statut, même si ça reste à préciser, c'est la question de la rémunération. Et c'est peut-être cette voie-là, en fait, qui est confondue parmi les autres, c'est-à-dire quand les personnes disent « on veut être professionnalisé », finalement, ce qu'on entend quand on discute avec elles, et c'est l'exercice que j'ai pu faire à plusieurs reprises, en fait, les personnes disent « je veux être rétribué de la pratique et je veux être rétribué de l'action que je fais ». Elle me prend du temps, elle me demande un temps de préparation important, elle me demande du temps sur mon temps personnel, parce que parfois, la personne peut avoir un métier à côté ou une activité à côté. Les personnes se forment, en tout cas augmentent ses compétences via des formations, via un certain nombre de pratiques qu'elles peuvent faire, et puis elles demandent que ce temps-là soit rétribué, et c'est tout à fait légitime. Cette rétribution-là, aujourd'hui, qui la donne à la personne? Est-ce que ça va être la personne qui reçoit l'aide ou qui reçoit le bénéfice, en tout cas, de ce partage de savoir expérientiel? Certains disent qu'il ne faut absolument pas, parce qu'en fait, on rentre dans une sorte de monétisation du savoir expérientiel, et certains en ont très peur. Certains disent que, en fait, on doit plutôt solvabiliser les personnes qui vont recevoir l'accompagnement, le soutien, l'aide, et les aider à financer cette pratique-là. Et d'autres disent qu'il faut solvabiliser plutôt celui qui va offrir, ou en tout cas proposer l'aide, et donc en offrant par exemple des postes, ou en tout cas en finançant par exemple des plateformes ou des coopératives de pairs dans lesquelles les personnes pourront venir soit chercher un certain temps de travail ou même un poste quasiment à temps plein. Donc aujourd'hui, il y a quasiment autant d'hypothèses et de pistes possibles qu'on a de pratiques diverses et de demandes diverses de la part des associations. On a un certain nombre de points de vigilance derrière, d'ailleurs on a l'occasion d'en discuter un certain nombre de fois, c'est ne tombons pas dans le piège de poser un cadre qui va venir derrière enfermer une certaine pratique. Et le cadre peut avoir des effets accélérateurs, des effets bénéfiques, mais peut aussi avoir des effets négatifs. Il faut y être vigilant. Quand j'entends dire qu'il faut, en tout cas, viabiliser le statut de la personne en situation de handicap qui intervient au titre de ses savoirs expérientiels dans le champ de l'accompagnement médico-social, attention quand même à ne pas réinstitutionnaliser les personnes en situation de handicap, avec qui derrière on va devoir finalement, enfin, l'effet négatif qu'il ne faut pas avoir, c'est de derrière l'encadrement du statut et de la pratique, en fait, on encadre le discours de la personne. Quid derrière de la liberté de la personne qui intervient au titre de ses savoirs expérientiels, quand on est au défi de la désinstitutionnalisation des accompagnements, ne réinstitutionnalisons pas la parole des premiers concernés. C'est quand même un écueil à éviter et on voit aujourd'hui des pratiques, hein, voire même, je dirais, des dérives de cet ordre-là qu'il nous faut absolument éviter. Et là, pour le coup, les pouvoirs publics sont assez vigilants à ne pas faire d'erreurs. Et puis, respectons les différentes pratiques des personnes, en fait. C'est ça derrière qu'il faut faire. Il faut pouvoir écouter les personnes en situation de handicap. C'est avec elles qu'on doit dialoguer. Je dirais que ces 10 dernières années, tous les gens qu'on a entendu parler de développement des savoirs expérientiels, développement de la pair aidance, de tous ces types de pratiques, sont en général des associations, mais parfois et souvent dans le champ du handicap, des associations gestionnaires, d'établissements et services médico-sociaux, parfois des professionnels, des universitaires, des spécialistes en tout genre. Mais la part des personnes en situation de handicap là-dedans est assez faible finalement. Et donc, que disent en fait les personnes en situation de handicap qui pratiquent au quotidien, quels sont leurs souhaits et quelles sont leurs aspirations? Comment en fait on peut aider utilement en termes de politique publique ce développement-là? Aujourd'hui, le choix qu'on a fait ces dernières années, c'était l'annonce de la Conférence nationale du handicap, c'est plutôt d'apporter en fait un soutien à la pratique. Aujourd'hui, on a aussi on a une diversité de pratiques assez importante, mais un nombre finalement de pratiquants assez faible. On a peu de personnes en situation de handicap aujourd'hui qui, comme Laetitia par exemple, interviennent de manière professionnelle et quasiment à temps plein au titre de leurs savoirs expérientiels. Les pratiquants sont assez peu visibles, en tout cas assez peu vus, en tout cas peu mis en lien parfois aussi avec d'autres écosystèmes qui peuvent exister. Parfois, ils sont isolés, ils peuvent en souffrir, ils peuvent le dire. Et donc, ce qu'on a décidé de faire, et c'était l'annonce de la Conférence nationale du handicap, c'est d'apporter du soutien. Donc, on a créé des dispositifs régionaux de soutien à l'intervention par les pairs qui ont pour mission de former, de proposer en tout cas de la formation aux personnes en situation de handicap de manière très accessible, gratuite et surtout des formations assez courtes, introductives, hein, qui n'ont pas vocation à être qualifiantes ou certifiantes, mais qui ont vocation à mettre d'une certaine façon le pied à l'étrier sur cette question des savoirs expérientiels aux personnes qui le souhaitent. Et puis derrière, de continuer à promouvoir les savoirs expérientiels, continuer aussi à faire rencontrer finalement l'offre et la demande. On a un certain nombre de personnes qui disent être intéressées par partager leurs savoirs expérientiels et d'autres disent être intéressées par recevoir l'expérience d'autres de pairs. Donc on est dans cette dimension-là aujourd'hui à essayer de développer la pratique et dans le développement de la pratique à écouter, observer ce que les personnes veulent faire, ce que les personnes font et derrière si des cadres et des statuts doivent être posés, les poser en conformité avec ce que les personnes souhaitent et avec ce que les personnes font. Et puis pour terminer, pour conclure, ce que Laetitia tout à l'heure est extrêmement important. Le partage des savoirs expérientiels doit sortir du simple témoignage, et ça c'est très vrai, je dirais même attention à ne pas le transformer aussi dans une forme d'inspiration porn, comme le disent en général les Américains, parce que c'est parfois ça, une des dérives que l'on voit arriver ces dernières années, c'est d'avoir quelques personnes en situation de handicap. On dit qu'elles interviennent au titre de leur savoir expérientiel, mais dans une parole en fait assez encadrée, qui dérange finalement assez peu et qui ne vient pas finalement apporter ce qu'elle devait apporter initialement. Et donc, quand on parle de développement, de déploiement de l'intervention par les pairs, développons-la, mais en laissant toute la liberté aux personnes qui les pratiquent et en écoutant toujours les personnes qui les pratiquent. Elles doivent être au pilotage de ces politiques publiques-là et de ces dispositifs-là. C'est extrêmement important et ce sera décisif pour l'avenir. Je te remercie, Maxime, pour nous avoir apporté ces éléments extrêmement intéressants. Et comme ça, on a pu avoir plusieurs échelles l'échelle étatique et de la décision publique et peut-être l'échelle la plus macro, finalement. On va passer à des questions un peu plus transverses, donc qui s'adressent à tous nos intervenants de ce soir, et pour rebondir un peu sur ces questions de inspiration porn et d'empouvoirment des personnes, j'ai envie de vous demander, parce que c'est également une question qui est abordée par Eve dans son ouvrage, quelles solutions peuvent être mises en place selon vous afin de faciliter les échanges et d'accorder une réelle place aux pères aidants dans la vie des personnes handicapées, et comment assurer un avenir pérenne en fait à la père aidance en tant que pratique professionnelle d'empouvoirment. Je vais repasser la parole d'abord à Laetitia, qui a un peu moins parlé. Donc, vas-y, Laetitia, je te laisse. Et n'hésitez pas également à rebondir sur ce qu'on dit, ce que les uns et les autres ont dit. C'est totalement également possible. Hein, on est libre. Oui, j'aimerais rebondir justement sur le fameux, ce que disait Maxime sur l'inspiration porn. Oui, ça, je pense que. Moi, c'est ce que j'appelle, alors dans mon domaine en santé sexuelle, mais la VAS washing. Voilà, moi je travaille pas mal avec notamment des institutions qui font appel à la pair aidance pour afficher quand même une image progressiste, et puis aussi parce qu'il commence à y avoir des textes quand même qui disent qu'elles n'ont pas le choix. Pour moi, ça reste beaucoup de blabla parce qu'il va y avoir des formations, on va me demander de faire des groupes de parole toujours en me demandant « Ah, mais qu'est-ce que vous allez exactement leur dire ?» Il y a encore ce contrôle qui est assez présent. Il y a même, moi, je vous parle d'expérience vraiment de terrain. Il y a encore des professionnels qui parfois me demandent à assister au groupe de parole. Je dis que dans ma pratique, c'est non, sauf s'il y a un besoin, on va dire, d'accompagnement purement lié au handicap, mais je ne souhaite pas qu'il y ait des accompagnants pour surveiller aussi ce qui est dit. Parfois, on m'a même suggéré d'éviter certains sujets dans la santé sexuelle. On m'a dit éviter le genre, éviter la parentalité, éviter la grossesse, notamment dans certains établissements d'origine religieuse, mais pas que, j'ai envie de dire. Mais pas que, parce que ça peut, on m'a dit, soulever des sujets qui mettraient mal à l'aise les professionnels. Donc, pour moi, là-dedans, on n'avance pas vraiment, même si on fait des formations, qu'on montre, qu'on organise des choses. Voilà, c'est pour ça que je voulais rebondir un peu là-dessus, parce que ça me parle beaucoup, ce côté. On invite une personne handicapée pour parler de tout ça, mais derrière, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, c'est un peu ça que je voulais redire. Sinon, pour revenir à ta question, Marie, sur les solutions, alors évidemment, je vais redire peut-être des choses qu'a dit aussi Maxime, mais la reconnaissance statutaire, pour moi, elle est vraiment très importante. Il faut que le métier de père aidant, pour moi, il soit défini dans les référentiels aussi, qu'il y ait un véritable le statut, des débouchés, parce que pour l'instant, quand on dit, moi j'ai des personnes qui veulent être père aidant, moi je peux leur dire un petit peu certains diplômes, mais je ne peux pas forcément leur dire vous allez trouver derrière du travail, parce que c'est encore assez, c'est pas encore très développé. Le statut il est vraiment important, les financements aussi. Bon, là, je rebondis aussi sur ce que disait Maxime. Là, c'est aussi compliqué parce que moi, je me heurte d'ailleurs au fait que j'ai un public qui est très précaire, et qui, du coup, va pas pouvoir forcément se payer mes services. Donc ça, il faut quand même le prendre en compte. Alors déjà, en santé mentale, c'est compliqué d'avoir un accompagnement en santé sexuelle, vous l'imaginez même pas. Donc il n'y a aucun, à mon avis, aucun financement déjà public, qui est prévu pour ça. Comment on finance tout ça? Faut quand même y penser quand on est père aidant. Ok, je suis professionnelle, j'apporte un savoir d'expérience, je suis rémunérée, mais comment je suis rémunérée? Donc voilà, ça c'est aussi important à prendre en compte. Ensuite, moi je dirais toujours la présence dans les instances, hein, les pères aidants, ils doivent toujours avoir une voix dans toutes les commissions, dans tous les comités d'éthique, dans tous les projets de service, et pas que pour un petit témoignage, comme on me demande souvent. On me demande souvent de venir dans des groupes de travail. Vous allez nous dire un petit peu ce que vous faites. Déjà, quand je demande si c'est rémunéré, ça l'est jamais. Donc tout ça, ça prouve déjà qu'on n'est pas forcément très pris au sérieux dans ces instances. Et puis après, moi, je dirais là, la formation qui doit être co-construite, la formation initiale, moi je vous parle, là, qui doit être co-construite avec des pairs aussi pour créer vraiment cette dynamique de pérennité. Et du coup, pour la dernière question, c'était par rapport à comment assurer un avenir pérenne. Donc, à la pérédance, bon, y a plein de choses à faire, mais je dirais que ça passe d'abord par une révolution des représentations et des pratiques d'accompagnement. Pour moi, il faut vraiment que notre société, elle arrête de voir les personnes handicapées vraiment comme uniquement des bénéficiaires, comme des aidés, comme des assistés, comme des objets de soins. Parce qu'on est aussi acteur de savoir, on est aussi porteur d'innovation, on est pédagogue, on est chercheur et on est aidant. Hein, moi, je veux qu'on s'en rende compte de ça, parce que c'est d'ailleurs souvent ce que je dis aux personnes que j'accompagne. Oui, vous pouvez être tout ça, contrairement à ce que la société vous a martelé depuis votre naissance. Donc, pour moi, la pérennité de la pérédance, elle dépendra vraiment de cette capacité qu'on a collectivement à changer, en fait, nos pratiques, à valoriser ces savoirs d'expérience, à créer plus de formations pour moi, aussi pour les pères aidants. Je trouve qu'il n'y en a encore pas assez. À repenser aussi tous les rapports de pouvoir dans le soin et l'accompagnement, parce qu'il y a encore beaucoup de validisme dans ces milieux-là. Et surtout, en dernier, et j'arrêterai là-dessus, Marie, c'est laisser les personnes directement concernées prendre la parole, plus les écouter et les laisser être actrices de leur vie. Voilà. Je te remercie, Laetitia. Yves, est-ce que tu veux rebondir également sur ces questions et sur les solutions que vient de dénoncer Laetitia ? Laetitia a abordé une multitude de sujets. Je pense qu'il me faudrait un peu plus de temps pour pouvoir mesurer l'ensemble du cadre de réflexion. En tout cas, je partage tout ce qui a été dit. Je crois que les médiateurs de santé pairs ou les pairs aidants ou les utilisateurs de leurs savoirs expérientiels dans une pratique professionnelle font face à d'innombrables défis. Et peut-être qu'un des plus importants, c'est concilier l'intégration, trouver sa place dans une équipe tout en défendant les droits des personnes qu'elles accompagnent, alors que c'est même cet aspect-là qui contribue, à mon avis, le plus à la transformation de l'offre de service et à la modernisation des pratiques. Ils doivent concilier la posture et l'occupation de compétences qui ne sont pas encore parfaitement définies, tout en ayant en tête une projection dans une mobilité professionnelle, dans leur évolution professionnelle, alors même que le cadre de départ n'est pas complètement défini. Donc effectivement, il y a un enjeu qui est fondamental autour de la définition et de la reconnaissance du rôle, qui est souvent mal compris, qui est souvent pas suffisamment défini au sein des équipes dans lesquelles ces professionnels sont amenés à intervenir. Évidemment, un des enjeux clés, une des solutions clés, ça sera une réflexion élargie sur les possibilités de financement et de pérennisation des postes. Mais dans un environnement institutionnel qui repose quand même très souvent sur des mesures d'accompagnement ou un cadre d'intervention extrêmement frileux à l'initiative pour des questions de responsabilité médicale ou d'autres formes de limitations institutionnelles, finalement, l'expression pleine des possibilités, des capacités offertes par les savoirs expérientiels est souvent pas possible. Et donc, au risque de prêcher pour ma paroisse, moi j'ai tendance à dire que des systèmes qui s'organisent à partir des besoins de terrain exprimés par les personnes elles-mêmes dans des cadres organisationnels, structurels, institutionnels qui sont pilotés par ces mêmes intéressés, c'est quand même une solution qui est relativement intéressante. Et on est au cœur de l'autodétermination et de et de l'autonomisation, si je peux dire. Voilà, après, j'ai quelques petites idées, mais peut-être faudrait un peu plus de temps pour en parler. Peut-être à une autre, lors d'une prochaine occasion, mais en tout cas, merci d'avoir partagé ces réflexions avec nous. Je vais redonner la parole à Ève. Pour conclure, parce qu'on n'a pas entendu depuis notre entretien toutes les deux, et donc pour revenir sur ces questions qui sont aussi abordées dans le livre et je pense dans d'autres de tes travaux, est-ce que tu veux réagir un peu à tout ce qui a été dit lors de ces échanges? Oui, merci. Je voudrais dire que la paire aidante, c'est une des nouvelles formes de la participation des personnes directement concernées. Et pour rappeler en fait toute l'insistance qu'a eu Maxime sur la question de la participation, donc il y a des multiples formes, mais vraiment ce qui est en train d'émerger dans notre société aujourd'hui, c'est la reconnaissance des formes de participation qui sont fondées sur la question du savoir expérientiel, qui se font en fait au nom du savoir expérientiel. Et donc c'est une reconnaissance qui est en cours de légitimation et par tout un tas d'acteurs divers, dont ceux autour de la table aujourd'hui. Il y a un lien très fort, je pense, entre père aidance et empowerment. Et peut-être que, d'abord simplement rappeler qu'effectivement, les pères aidants soutiennent l'empowerment de leur père, c'est même leur posture éthique, mais également que l'empowerment est au cœur des pratiques de père aidance et du développement du potentiel des pères. En fait, développer son potentiel, c'est aussi acquérir du pouvoir. Cependant, j'aimerais, pour ma part, j'aimerais vraiment plutôt développer un dernier point avant qu'on se quitte. C'est l'inscription des pratiques de père aidance dans les équipes pluriprofessionnelles, dans les partenariats avec d'autres types d'acteurs. Rappeler que ça ne va pas de soi. Qu'il y a des lieux où ça se passe très bien et d'autres où au contraire c'est compliqué et qu'on ne sait peut-être pas encore très bien faire. Et pareillement, j'ai souvent entendu des discours aux militants où la reconnaissance des savoirs expérientiels est une exigence qui semble aller de soi. Mais en même temps, j'entends également tout un tas d'acteurs qui ne comprennent pas vraiment finalement de quoi il en retourne. Et quand on ne comprend pas de quoi il s'agit ou quand on ne connaît pas en fait ce dont il s'agit, comment simplement en mesurer la valeur. Donc je pense qu'il y a toute une œuvre de pédagogie, de formation, d'information qui doit d'abord être faite et qui est en cours, mais que un nombre des difficultés mentionnées aujourd'hui sont aussi liées au fait que finalement c'est quelque chose d'assez récent et qui est en train de prendre sa place dans notre société, mais qui n'est pas encore quelque chose de véritablement institué. Alors, il y a plusieurs pistes d'action aujourd'hui pour favoriser justement le déploiement de la paire aidance et de l'empowerment qui l'innerve dans les contextes professionnels du soin et de l'accompagnement social, mais peut-être aussi simplement et ne pas oublier toute l'importance de la paire aidance auto-organisée entre pairs ou de la paire aidance informelle. Rappeler que pour ce qui concerne les milieux professionnels, Les Canadiens ont quand même beaucoup travaillé sur ce sujet et ils ont opté, par exemple, pour une préparation des équipes, une préparation des équipes professionnelles qui vont accueillir le père aidant en leur proposant justement en amont des formations pour que l'ensemble des membres puissent avoir, d'abord mettre du sens à cette pratique, tout le monde ne sait pas de quoi il s'agit encore une fois, mais aussi avoir des attentes qui sont en adéquation avec ce nouvel acteur, avec son potentiel, avec ce qu'il peut effectivement apporter, et ce qui évitera tout un tas de tensions autour du fait que il ne sert à rien, il n'est pas efficace, etc. Tout simplement parce qu'en fait, on lui demande des choses qui ne relèvent pas de ses compétences. Il pourrait également être important que la père aidant soit au programme des formations initiales des professionnels du soin et de l'accompagnement social. Ça, je pense que ça serait intéressant qu'il y ait au moins une sensibilisation, on va dire, systématique, puisque vraiment, c'est plutôt une pratique qui connaît un véritable développement et donc ce n'est pas quelque chose aujourd'hui de confidentiel. Ce n'est pas non plus quelque chose d'institutionnalisé, c'est entre les deux. Mais en tout cas, peut-être que ça n'a plus beaucoup de sens que les professionnels du soin et de l'accompagnement social puissent être professionnalisés, que se construire leurs identités professionnelles sans connaître l'ensemble des métiers et des partenaires avec lesquels ils pourraient collaborer. Et puis, peut-être aussi ne pas oublier, parce qu'on n'a pas parlé de ça, mais accueillir un père aidant au sein d'une institution, ça suppose également que les cadres s'engagent. Et c'est certainement aussi, et enfin, prioritaire, de faire connaître, je pense, hein, tout simplement et de manière très large, les spécificités et les atouts de la père aidance, et de ne pas oublier de rappeler que ce qu'elle amène, justement, du fait qu'il s'agit de savoirs expérientiels rares, et donc non accessibles de manière immédiate au sens commun et au savoir professionnel existant, bien, et qu'elle apporte quelque chose en complémentarité des autres interventions déjà existantes, et que c'est donc probablement dommage de se passer de cette, comment dire, de cette richesse pour nos secteurs. Voilà, je vous remercie pour l'invitation, j'avais oublié de le dire. Pas de problème, merci Ève. On arrive à la toute fin de l'émission, malheureusement. Donc, je vais également vous remercier à nouveau d'avoir participé. Je remercie les équipes de Sils et Marcel à la régie. Si vous avez, vous, des actualités à partager, c'est maintenant ou jamais. Donc, je vous laisse quelqu'un. Ça peut être n'importe quoi. Oui, quelque chose Voilà. d'important. Je voudrais annoncer, puisque maintenant c'est officiel depuis une semaine, l'Université Rennes 2 va ouvrir un DU Père aidant et savoir expérientiel. Je crois que c'est tout à fait dans la thématique de nos échanges. Ah bah complètement, et ça reboucle avec ce que tu viens de nous partager. Yves, Maxime, Laetitia. Oui, moi juste, je fais un peu de promo pour mon podcast qui vient de sortir. Il s'appelle Désir à valider. C'est sur le validisme en santé sexuelle, justement. Et pour moi, j'y parle forcément aussi de ma pratique en père aidant. C'est le premier épisode, c'est sur couple et handicap. Donc, moi, je vous invite à découvrir ce podcast. C'est super. C'est sur quelle plateforme, juste? Alors, c'est sur Spotify, sur Apple Podcast, sur Deezer. Vous voyez, principal, c'est ça. Oui. Super, bah merci. Yves, Maxime, quelque chose? Non? J'ai un peu la tête dans le guidon en ce moment et j'avoue que je ne suis pas très au fait des actualités. On renverra de toute façon au site d'Esper Pro. On renverra peut-être pas au site de Matignon, Maxime, mais s'il y a un rapport, quelque chose qui a été publié, faut pas hésiter non plus. Non, pas d'actualité. D'accord, bah c'est parfait. Je vais parler de nos actualités à nous et annoncer que la prochaine émission aura lieu le 13 mai. Et ce sera sur un numéro spécial de la revue Nouvelles questions féministes, un numéro qui s'intitule Vieille invisible avec Clotilde Palazzo. Donc ce sera Laure à l'animation. Et avant d'oublier, dans nos autres actualités, on a également un moment de restitution le 28 avril à 18h. on m'a reprécisé Laure, autour d'un atelier d'écriture qu'on avait conduit dans le cadre du Printemps des Humanités avec l'autrice de science-fiction et psychologue et doctorante, Katie Stewart. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre et de toute façon, Laure a fait un message, je pense, sur le chat avec toutes les informations et les liens vers nos sites, etc. Et l'émission sera disponible en rediffusion directement et le sous-titrage sera créé sous peu. Voilà, et ben, je vous remercie à nouveau et je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt, j'espère, pour d'autres échanges.